إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, nous en sommes aujourd'hui au 15e précepte parmi les préceptes pré-islamiques abolis par la religion de l'islam. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit: المسألة الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم. Le 15e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est qu'ils prenaient pour excuse l'absence de compréhension pour ne pas suivre ce qu'Allah leur avait envoyé. كَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ, comme leurs paroles, nos cœurs sont enveloppés, ou encore يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ, ô شُعَيْبُ, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. فَأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ وَبَيَّنَ أَنَ ذَٰلِكَ بِسَبَبِ الطَّبْعِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَأَنَّ الطَّبْعِ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc démentis et il a expliqué que ceci provient du fait que leurs cœurs sont scellés. Et il a expliqué que leurs cœurs sont scellés à cause de leur mécréance. Ceci est donc le 15e des préceptes de la Jahiliya aboli par la religion de l'islam. C'est qu'ils prenaient pour excuse, pour refuser la vérité, qu'ils ne la comprenaient pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au sujet des juifs, lorsque le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les a appelés à l'islam, ils répondirent « قُلُوبُنَا غُلْفٌ » Nos cœurs sont enveloppés, c'est-à-dire nos cœurs sont couverts, de sorte que la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne peut les atteindre. Et ils ont pris cela comme un argument pour démentir le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour mécroire en lui. Ceci est un des sens que les gens du tafsir ont mentionné de ce verset. Le deuxième sens est que nos cœurs sont enveloppés veut dire nos cœurs sont emplis de science. C'est-à-dire que c'est comme s'ils disaient nous n'avons besoin de la parole de personne. C'est-à-dire qu'ils prétendaient ne pas avoir besoin du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a démentis. Et il a démontré que la cause de leur non-acceptation de la vérité est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. C'est-à-dire qu'il les a exclus et écartés de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Et il nous a expliqué que cette malédiction, ils l'ont méritée à cause de quoi? À cause de leur mécréance. Il a donc dit subhanahu wa ta'ala dans la suite du verset بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Non, mais Allah les a plutôt maudits à cause de leur mécréance. C'est-à-dire que leur mécréance a été leur cause pour qu'ils soient maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette malédiction a fait qu'ils ont par la suite rejeté la vérité. C'est-à-dire qu'ils n'acceptaient pas la vérité à cause de leur mécréance. Ils n'acceptaient pas la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce car ils n'y prêtaient pas attention en réalité. Mais ils s'en détournaient. Et ceci est un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset. فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Puis lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Et ceci c'est une règle que nous devons retenir. Une règle très importante. C'est que toute personne qui n'accepte pas la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala va l'éprouver par le suivi du faux. Il faut bien retenir cette règle. Toute personne qui refuse d'accepter la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouvera par le suivi du faux. Et ce car le refus de la vérité va corrompre son cœur. Et une fois que son cœur sera corrompu, alors il va accepter le faux. Car la base du cœur, celui qui est sur la saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, c'est qu'il accepte la vérité. Lorsqu'à la vérité lui est présentée, dans toute sa pureté, il l'accepte et il ne la rejette pas. Mais si ce cœur est corrompu, qu'il n'est plus sur la saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, alors il va rejeter la vérité. Et de la même manière, on fait des gens du peuple de Shu'aib. Ils sont venus avec la même excuse. Oh Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Donc les mécréants, ils ont tous la même voix et tous les mêmes arguments pour rejeter la vérité et l'appel des messagers alayhimus salatu wassalam. Et il ne faut pas penser que ceci sera un manque de clarification ou un manque d'explication de la part des messagers alayhimus salatu wassalam. Au contraire, ils ont transmis le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière. Mais le manquement, il provenait de ces gens qui ont mécru au message des prophètes alayhimus salatu wassalam, qui se sont opposés à eux, qui ont refusé de les suivre, qu'ils les ont traités de menteurs, et de ce fait, ils n'ont pas accepté la vérité avec laquelle ils sont venus. Et de la même manière, les gens du faux jusqu'à aujourd'hui. Lorsque la vérité leur présentait, c'est comme s'ils ne la comprenaient pas. Tu peux parfois leur présenter des choses évidentes, avec leurs preuves, claires et explicites, tirées du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des paroles des sahaba, ou des paroles des imams de la communauté. Mais il te dit, je ne comprends pas ce que tu me dis. Tout ça pourquoi? Pour rejeter cette vérité. En réalité, il ne cherche même pas à comprendre, car il ne veut pas comprendre. Il a été éprouvé par le suivi du faux. Son cœur s'est donc noirci par les passions et le suivi d'autres que la vérité. Alors, il a le cœur voilé et il ne peut pas accepter la vérité. Il faut donc prendre garde à cela et faire en sorte de purifier nos cœurs de toute passion, de purifier nos cœurs de toute chose pouvant nous empêcher de suivre la vérité et de l'accepter. Lorsque la vérité t'est présentée, avec ses preuves authentiques, tu dois faire l'effort de la comprendre. Tu dois rechercher cette vérité auprès de ces gens et ne pas faire comme les gens du faux qui la rejettent et disent « Je ne comprends pas ce que tu me dis. » C'est-à-dire « Ne me parle même pas de ça, je ne veux pas en entendre parler. » Car c'est ça en réalité qu'ils veulent dire en prétendant qu'ils ne comprennent pas. Ceci fait donc partie des préceptes des gens de la Jahiliya par lesquels ils rejetaient la vérité avec laquelle sont venus les messagers alayhimu salatu wa salam. Ensuite le cheikh il dit rahimahullah Al-mas'alatu sadisatu ashara i'tiyaduhum amma atahum min Allah bi kutub as-sihr. Le 16e précepte parmi les préceptes des gens de la Jahiliya, c'est qu'ils ont échangé ce qui leur est venu de la part d'Allah contre des livres de sorcellerie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dhalika fi qawli, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans sa parole, nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitab Allah wara adhhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulayman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Certains à qui le livre avait été donné, c'est-à-dire parmi les gens du livre, jetèrent le livre d'Allah derrière leur dos, comme s'ils ne savaient pas. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman, alors que Suleyman n'a jamais mécru. Mais ce sont les diables qui ont mécru, ils enseignent aux gens la sorcellerie. Lorsque les juifs ont mécru au livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son messager Moussa alayhi salam. Et lorsqu'ils ont délaissé la mise en pratique de ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés par le fait qu'ils ont remplacé son livre par quoi? Par des livres de sorcellerie, qui font partie des œuvres des diables. Ils ont donc préféré ces livres de sorcellerie à la révélation du Seigneur de l'univers. Et il n'y a pas de doute que ceci est une chose gravissime. Et ceci est en réalité un de leurs châtiments. Car comme on a dit, celui qui se détourne de la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve par le faux. Ils se sont détournés du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont délaissé sa mise en pratique, alors ils ont été éprouvés par les livres de sorcellerie. Et la sorcellerie, elle est très répandue chez les juifs, et ce jusqu'à nos jours. Ils font partie des gens qui pratiquent le plus la sorcellerie, wallahu al-musta'an. Ainsi, comme on a dit, toute personne qui délaisse la vérité, il se fait éprouver par le faux. Celui qui délaisse le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'appel de l'ensemble des messagers alayhim salatu wa salam, alors il se fait éprouver par quoi? Il se fait éprouver par le polythéisme, par les superstitions. Il va chercher à secourir ce faux et le propager parmi les gens, comme si cela était une vérité. Et ceci est présent jusqu'à nos jours. Combien sont ceux, parmi les savants, des kuburiyin, les adorateurs de tombes, des différentes confréries soufies ou autres, qui soutiennent le polythéisme, l'adoration des morts, leur invocation en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et font passer cela comme une vérité venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, celui qui délaisse la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il sera éprouvé par l'innovation. Et il va faire passer l'innovation comme étant une vérité qu'il incombe à tous de suivre. Nombreux sont les gens aujourd'hui qui ont délaissé les sources pures et authentiques de notre religion. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui nous est parvenu des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ils ont délaissé cela et les ont remplacés par les livres des philosophes, les livres des penseurs, les livres des écrivains ou autres parmi les choses qui égarent du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc emprunté le même chemin que les gens de la jahiliya. Ils ont délaissé ce qui est bon pour ce qui est mauvais. Ils ont délaissé les textes clairs du Coran et de la Sunna pour des livres de penseurs, bien souvent, qui ne sont même pas musulmans. Ils essayent de puiser leur religion à partir de ces ouvrages. Comme certains ouvrages d'explication du Coran, d'une explication contemporaine. Des explications qui sont contraires à ce sur quoi étaient les musulmans des premiers siècles. Un regard contemporain sur le Coran. Cela, en réalité, ils ne veulent qu'altérer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc prendre garde à cela. Prendre garde à puiser notre religion de ses sources authentiques, qui, comme on l'a dit, sont le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté. Et tu ne dois rien préférer à cela. Aujourd'hui, malheureusement, on voit au sein de la communauté certaines personnes se diriger vers des ouvrages écrits par des non-musulmans, selon certaines méthodes qui n'ont pas été vérifiées par des gens de science qui en ont les compétences. Ils se dirigent vers ces ouvrages au lieu de se diriger vers ce qui est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, on voit nombre de personnes se diriger vers des méthodes nouvelles, comme, à titre d'exemple, la méthode Montessori, qui malheureusement s'est propagée au sein des musulmans aujourd'hui. Ils se sont donc orientés vers ces livres et ces méthodologies écrites par cette personne dont l'islam se désavoue, et ils ont délaissé ce qui est venu comme texte clair, authentique, dans le Coran et la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le domaine de l'éducation. Tout le bien est présent dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas les remplacer pour autre que cela. Bien sûr, il peut y avoir certaines choses parmi les domaines mondains, les sciences mondaines, desquelles nous allons profiter dans certains de ces ouvrages. Toutefois, nous devons prendre garde à ce que ces choses soient bien conformes au Coran et à la Sunna, et que rien ne s'oppose à cela dans ces méthodes, ou dans ces livres, ou dans ces sciences ou autres, même si ce sont des sciences qui ne sont pas religieuses, comme la médecine, la physique ou autres. Tu dois prendre garde à ce que ces ouvrages ne soient pas utilisés pour corrompre ta croyance, et tu dois donc revenir pour cela aux gens de science et de confiance qui ont les compétences pour analyser cela, pour te confirmer que ceci est valide et acceptable, ou bien que ceci est inacceptable et que cela doit être rejeté. Il fait donc partie des préceptes des gens de la jahiliya qu'ils ont délaissé ce qui leur est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils l'ont remplacé par le faux comme les livres de sorcellerie. Le musulman, il doit donc prendre garde à ne pas emprunter leur voie et s'accrocher fermement à ce qui lui est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre et dans la sunna authentique de son messager sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur dit ensuite, rahimahullah, al-mas'alatu sabi'atu ashara, le 17e précepte parmi les préceptes des gens de la jahiliya, nisbatu batilihim ila al-anbiya, le fait d'attribuer leur faux au prophète alayhi musallatu wassalam. Il dit ensuite que qawlihi, comme dans sa parole, c'est-à-dire comme Allah les a réfutés dans sa parole, wa ma kafara Sulayman. Suleyman n'a jamais mécru. Wa qawlihi, ainsi que dans sa parole, ma kana Ibrahim yahoudiyan wala nasraniya. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il fait donc partie des préceptes des gens de la jahiliya qu'ils attribuaient ce sur quoi ils étaient comme mécréance et comme égarement au prophète alayhi salatu wassalam. Comme les juifs ont attribué la sorcellerie à Suleyman alayhi salam. Ils ont prétendu que la sorcellerie faisait partie des œuvres de Suleyman et que c'est par la sorcellerie que Suleyman a pris le contrôle des djinns et des démons. Alors qu'en réalité, les démons et les djinns, de manière générale, ils font partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala les met au service de qui il veut parmi ses créatures. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala les a mis au service de son prophète, Suleyman alayhi salam. Donc les juifs, ils ont attribué la sorcellerie à Suleyman alayhi salam. Pourquoi? Dans le but de la propager parmi les gens. Et dans le but que les gens acceptent la pratique de la sorcellerie. Ainsi, ils pouvaient dire, ceci fait partie des œuvres des prophètes. Ceci fait partie des œuvres de Suleyman, alayhi salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a démentis et a réfuté leurs prétentions lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, wa ma kafara Suleyman. Suleyman n'a jamais mécru. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc nié le fait que Suleyman soit du nombre des mécréants. Et ce car le fait de dire que Suleyman, alayhi salam, était un sorcier, cela signifie qu'il était mécréant. Car tout sorcier est inévitablement mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala a donc démenti cela dans son noble livre. Et de la même manière, les juifs et les chrétiens ont attribué leur mécréance et leur polythéisme à Ibrahim alayhi salam. Ils lui ont attribué ce sur quoi ils étaient comme mécréance et comme polythéisme, en disant ceci est la religion d'Ibrahim. Et cela, on le trouve encore jusqu'à nos jours. Parmi les gens du livre, certaines personnes ou certaines organisations qui attribuent la fausseté de leur religion à Ibrahim alayhi salam. Et ils se servent de son nom afin de mettre en application le rapprochement interreligieux, sous couvert de la fraternité d'Abraham, comme c'est le nom de certaines organisations présentes aujourd'hui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cette fausseté. Il leur a répondu et il a dit subhanahu wa ta'ala, Ma kana Ibrahimu yahoudiyan wala nasraniya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était hanif, musulman, et il n'était pas du nombre des polythéistes. Hanif, c'est-à-dire qu'il était totalement orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala et il se détournait du polythéisme. Tel est le hanif. Al-hanifiyya, c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de se détourner de toute forme de polythéisme. Telle était la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous les décrit comme étant hanif et musulman, musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faisait pas partie du nombre des polythéistes. Donc la religion d'Ibrahim alayhi salam, c'est la religion du tawhid, la religion du culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est également le désaveu du polythéisme ainsi que de ses adeptes. Et ce, contrairement à ce sur quoi sont les juifs et les chrétiens. Donc telle est la voie des gens du faux, parmi les gens de la mécréance ou autres, afin de propager leur fausseté parmi les gens. Ils l'attribuent au prophète, alayhi salatu wa salam, afin que les gens acceptent ce faux. Et ceci est présent dans cette communauté. Combien sont ceux parmi les groupes égarés qui attribuent ce sur quoi ils sont comme faux ou comme innovation à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa salam. Et pour cela, ils vont même jusqu'à inventer des hadiths pour soutenir le faux sur lequel ils sont. Telle est donc la voie des gens de l'innovation, la voie des gens de l'égarement et des passions, jusqu'à nos jours. Ils attribuent leur faux à leur religion, ils attribuent leur faux à la sunna, ils attribuent leur faux à la religion de l'islam. Tout cela pourquoi? Pour défendre leurs innovations, comme le font les khawarij, les rawafid ou les soufis et autres parmi les groupes égarés de gens de l'innovation et des passions. Également, il y a des gens parmi cette communauté qui essayent d'attribuer leur faux aux savants de la communauté. Et tu les vois alors suivre les paroles à équivoque parmi les paroles des savants. Ou encore, ils vont même jusqu'à mentir sur les savants. Pourquoi? Afin de profiter de la confiance que les gens ont en ces savants. Et en réalité, ils s'opposent dans leurs croyances et dans leur méthodologie aux savants auxquels ils affilient leur fausseté. Ils ne sont pas sur la voie des savants en réalité. Ce précepte est donc un précepte très dangereux et qui est encore très présent aujourd'hui et propagé parmi les gens. Le musulman, il doit donc prêter attention à cela et ne pas se laisser leurrer par les prétentions. Mais comme on ne cesse de le répéter, tu dois te conformer à la vérité avec ses preuves. Et les preuves, c'est les textes du Coran et les textes de la Sunna authentique. Et tu ne te laisses pas leurrer par le fait que quelqu'un tente d'attribuer le faux Un tel ou un tel, parmi les gens de science. Mais tu regardes cette chose à laquelle il appelle. Est-ce que celle-ci est conforme au texte du Coran et de la Sunna? C'est cela qui nous importe. Si cela est conforme au texte du Coran et de la Sunna, nous l'acceptons. Mais si cela s'oppose au texte du Coran et de la Sunna, alors, nous le rejetons. Il n'y a pas de doute sur cela. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a mentionné un précepte qui se rapproche de celui-ci. Et il a dit, rahimahullah, al-mas'alatu thaminatu ashara, le 18e précepte. Tanaquduhum fil intisab, leur contradiction dans l'affiliation. Yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tark ittiba'ihi. Ils s'affilient à Ibrahim tout en montrant le délaissement de son suivi. Ceci est donc la contradiction dans l'affiliation. C'est le fait qu'une personne elle s'affilie à une chose alors qu'elle contredit cette chose. Et cette affiliation elle est fausse. C'est un mensonge en réalité. Et l'affiliation authentique et juste, c'est le fait que tu t'affilies à une chose et que tu sois en accord avec cette chose. Donc ceux qui s'affilient à Ibrahim alayhi salam, s'ils veulent être véridiques dans leur affiliation, alors ils doivent être en accord avec ce sur quoi était Ibrahim alayhi salam. C'est-à-dire qu'ils doivent vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Vouer l'ensemble de leurs adorations à Allah seul, en dehors de tout autre que lui. Et de la même manière que Ibrahim alayhi salam, ils doivent se désavouer du polythéisme ainsi que de ses adeptes. Ils ne doivent pas s'opposer à Ibrahim alayhi salam dans cela, sinon leur affiliation est mensongère. Donc c'est dans cela que sont tombés les gens de la Jahiliya, comme les juifs. Ils se sont affiliés à Ibrahim alayhi salam, mais ils ont refusé le pèlerinage à la Mecque. Ils n'ont pas accepté le fait de s'orienter vers la Kaaba dans les prières, alors que la Kaaba elle a été construite par Ibrahim alayhi salam. Le Hajj, le pèlerinage, il a été pratiqué par Ibrahim alayhi salam. Donc comment s'affilier à Ibrahim alayhi salam et s'opposer à lui dans la religion? Et de la même manière aujourd'hui dans la communauté, on trouve des gens qui s'affilient par exemple aux quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, rahimahumullah ta'ala. Ils s'affilient à ces imams alors qu'ils s'opposent à eux dans la aqidah, la chose la plus importante de la religion. Il vient et il te dit « Moi je suis Maliki, je suis le madhab de l'imam Malik. » Mais par contre, si tu regardes sa croyance, tu verras qu'il est sur la croyance des Mu'tazila, ou la croyance des Asha'ira, ou autre parmi les croyances égarées et erronées qui s'opposent au texte du Coran et de la Sunna. Si tu souhaites t'affilier aux imams, qui font partie des imams de la Sunna, la première chose à laquelle il convient que tu te conformes, c'est que tu te conformes à ce sur quoi ils étaient, comme croyance authentique, croyance conforme au livre d'Allah et à la Sunna, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais quant au fait que tu t'affilies à eux, que tu prétendes suivre un de ces imams, en le suivant dans ta manière de prier, ta manière de jeûner ou autre, parmi les œuvres et les adorations, alors que tu t'opposes à cet imam, dans la base fondamentale de la religion, qui est la croyance, alors cette affiliation, elle est fausse et mensongère, et elle ne t'est en rien profitable. À quoi bon suivre un imam sur certaines questions qui sont parfois subsidiaires et délaisser la base fondamentale de la religion? De la même manière, on trouve aujourd'hui des gens qui s'affilient au salaf. Il te dit « Moi, je suis salafi. » Mais si tu regardes ses œuvres, ses paroles, ses manières d'être, elles s'opposent grandement à la voie des salafs. Il ne connaît rien de la voie des salafs. Il s'oppose au salaf dans des affaires qui sont liées à la croyance, dans des affaires qui sont liées à la méthodologie, dans des affaires qui sont liées au prêche et autres, parmi les choses dont il n'a pas connaissance en réalité. Donc cette affiliation, c'est une affiliation fausse et mensongère. Ou alors c'est une affiliation qui est déficiente. Il est donc impératif pour nous d'apprendre qu'est-ce que la voie des salafs. Quel était le minhaj des salafs dans la aqidah? Quelle était la voie des salafs dans le prêche? Quelle était la voie des salafs dans le comportement avec les gens du faux? Dans la mise en garde contre les gens de l'innovation? Et ainsi de suite, parmi les domaines de notre religion. Il ne suffit pas de dire « Je suis salafi », mais il est impératif que tu apprennes à connaître cette voie bénite, la voie de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et combien sont les gens du faux qui se servent de ces formes d'affiliation mensongère pour propager le faux parmi les gens? Ils ont remarqué que, nombreux parmi les gens, de par le fait qu'ils soient restés sur la saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, ils acceptent la voie des salafs. Car ils savent que c'est la vraie religion, celle sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque les gens du faux ont vu cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé certains de leurs prédicateurs, qui se sont affiliés faussement à la voie des salafs. Pourquoi? Afin de propager le faux et d'égarer les gens de la voie des salafs. Comme on l'a vu avec certains prédicateurs chez nous, qui lors de leur apparition, en avant dans la prédication, ils s'affiliaient, d'une certaine manière, à la voie des salafs. Ils prétendaient revenir, dans leurs croyances et dans leur méthodologie et dans leurs œuvres, à ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Puis petit à petit, ils ont montré la réalité de la méthodologie de la voie qu'ils empruntaient. Et ils se sont détournés de la voie des salafs. Et ils font partie maintenant des personnes qui s'opposent ouvertement à la voie des salafs. Donc le musulman, il ne doit pas se laisser tromper par de simples appellations. Ce n'est pas parce que tu vois un site, ou un compte Facebook, ou une chaîne YouTube, qui s'appelle la voie salafi, ou la da'wa salafiya, ou la défense de la sunna, ou autre, que cela signifie forcément que cette chaîne, ou que ce compte, ou que ce site, est sur la voie de la vérité. Tu ne dois pas te laisser tromper par les appellations. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la réalité des choses. Est-ce que ce à quoi on t'appelle sur ce site ou cette chaîne correspond à la voie des salafs? Est-ce que cela correspond à ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna? Est-ce que cela correspond à la compréhension des Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum? C'est cela que tu dois regarder. Et tu ne dois pas t'arrêter à une appellation. L'appellation, elle peut être trompeuse. Elle peut être utilisée pour égarer les gens. Elle peut être utilisée mensongèrement. Ou alors, elle peut être utilisée par une personne ignorante qui lui-même, mesquine, il ne sait pas que ce qu'il fait s'oppose clairement à la voie des salafs. Pourquoi? Car il n'a pas la science pour distinguer cela. Il pense faire le bien, mais en réalité, il fait le mal. Donc le musulman, il ne se laisse pas tromper par les appellations, mais il regarde la réalité des choses. Est-ce que ces choses auxquelles on m'appelle sont conformes au livre d'Allah, à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des sahaba et des imams parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, et on continuera la lecture des autres préceptes dans le cours de demain, inshallah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.